Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop in its final parking position and the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We remind you to keep your mobile phone switched off until cleared immigration and the smoking is... Matko, matko, Jaśko idzie! Suivez le guide. Thierry Georges. Dzień dobry, bienvenue à vous, première aujourd'hui d'une nouvelle série de Suivez le Guide, en Pologne, à Cracovie et dans le sud de la Pologne. Cracovie, vous le découvrirez, prononçons Kraków, deuxième plus grande ville de Pologne, 326 km², 756 000 habitants. Le point de départ de cette série, une rencontre avec une Messine mariée à un Polonais, Agnès Żelazny, domiciliée en Pologne. Une rencontre alors qu'Agnès était en attente d'une greffe du cœur. Elle a attendu son greffon plus de 400 jours et l'idée a été lancée qu'après la greffe, Agnès serait notre guide en Pologne, à Cracovie. C'était aussi prendre un pari sur l'issue heureuse de la transplantation cardiaque. Le 2 mai, nous avons quitté une Lorraine à l'ambiance hivernale et pluvieuse et avons été étonnés de la douceur polonaise. Si nous sommes arrivés le 2 mai au soir, c'était afin de vivre le 3 mai, la fête nationale polonaise dans la seconde ville du pays. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam w Polsce. Bienvenue en Pologne. Merci. Roman też. Roman aussi. Mais oui, il a droit, voilà. Il a droit à la bise aussi. Hein. Voilà. Ouais. Votre voyage s'est bien passé? Eh ben, écoute, tranquille. On est parti à l'heure, arrivé à l'heure. En sortant de l'aéroport de Katowice. Pejovice, près de la ville de Katowice. Donc on dit Vice à la fin des... Vice. Donc Pejovice, Katowice. Voilà. En sortant de l'aéroport, le bus était là, facile. Et puis, vous êtes à Kraków, Cracovie. Cracovie, Kraków. Voilà. Ben, un voyage qui s'est passé dans des conditions vraiment tranquilles. Alors Agnès, puisqu'on arrive pour une semaine en Pologne, si tu nous faisais en début de série la bande-annonce... de ce séjour en Pologne, comme au cinéma. Le petit programme que je vous ai concocté, j'ai juste pas le beau temps complet, mais il fait meilleur qu'en France. On aura un peu de pluie, ça peut témoigner. Mais il fait meilleur qu'en France, je suppose. Aujourd'hui, oui. D'après la météo. Donc demain, c'est le 3 mai, donc Czechegomaja, c'est-à-dire le 3 mai, la fête nationale en Pologne, fête de la Constitution, de 3 mai 1791. Vous aurez droit aux festivités qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles en France, qui sont bien moins militaires, qui sont beaucoup plus patriotiques. Vous apercevez aussi qu'il y a déjà des drapeaux partout, c'est pas pour rien, c'est pas seulement pour le 3 mai, c'est parce que le 2 mai, c'est aussi la fête des drapeaux. Parce que pendant la période communiste, on n'avait pas le droit de mettre les drapeaux. Donc demain, le 3 mai, il y aura la messe à la cathédrale du Wawel. Ensuite, un défilé sur la croix de toutes les victimes de Katyn de 1940. Et de là, il y a un défilé qui descend jusqu'à la place centrale, etc. Donc ça, c'est pour demain. Mardi, vous aurez la guide de Cracovie, la guide officielle de Cracovie, qui vous fera visiter le tour touristique le plus complet. Le mercredi, on descend dans la mine de Wieliczka, à 125 mètres sous terre, la plus ancienne mine de sel d'Europe, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Le jeudi, c'est un moment qui est plus douloureux, puisqu'on ira on se rendra plutôt sur le territoire terrible des camps d'extermination d'Auschwitz et Birkenau, qui se trouve environ à 1h30 de route d'ici. Le soir, on retournera un peu plus encore à l'est, dans le début des petites Carpates, qu'on appelle les Biestadé, où on passera 2 jours, donc une partie à Sanok, au musée ethnographique sur la route des icônes et des églises en bois. Et puis une autre partie qui sera probablement le château de Wainsut. Et puis un petit peu, donc on sera tout près de la frontière ukrainienne et slovaque, puisqu'on est dans le sud-est de la Pologne. Voilà, on est vraiment presque à l'extrémité est de la Pologne. On est géographiquement dans le sud-est de la Pologne, c'est-à-dire la ville de Cracovie est environ 1350 km à l'est de Metz. Rzeszów fait 1500 km, là où on ira, et un petit peu plus encore à l'est, on sera environ 50 km de l'Ukraine et 70 km de la Slovaquie. Donc le début de la chaîne des Carpates, qui se termine en Roumanie avec les Grandes Carpates. Puis voilà, donc on est dans l'ancienne Galicie, tout ça vous découvrirez pendant cette semaine. Eh ben, c'est un programme tout à fait passionnant, bien chargé, et puis bon, on aura des petits moments en plus festifs et sympathiques. Voilà. Il y aura des surprises. Des surprises. A ja Saksenię widział, aj taki figlorecki, a jako figlorecki. 3 mai, c'est à la cathédrale de Wawel que débutent les célébrations avec la grand-messe de 10h. Si l'on commémore la constitution polonaise de 1791, première d'Europe après celle de Corse non homologuée, puis celle des États-Unis, on fête aussi Marie, d'où la présence militaire dans la superbe cathédrale. Le 3 mai, fête nationale en Pologne, tout commence, Agnès, à la cathédrale du Wawel, à Cracovie. Parce qu'on est à Cracovie, ça commence à la cathédrale du Wawel, effectivement. Dans d'autres parties de la Pologne, ça se passera ailleurs, mais c'est vrai qu'en Pologne, les grandes cérémonies, célébrations, commencent en général par une messe. Le 3 mai est la fête nationale en Pologne, jour de la Constitution, qui a été émise et rédigée et votée en 1791. C'est la première constitution en Europe, après celle de Corse, mais qui n'est pas reconnue officiellement. Mais on ne le sait pas forcément, nous Français, une constitution en Corse. Tout à fait. La cérémonie commence donc très souvent par une messe, à la cathédrale du Wawel, qui était le château royal, puisque la première capitale de Pologne, c'est Cracovie. Mmh. Donc la ville royale, où se trouvent donc les tombeaux des rois. Plus tard, où se trouve la tombe de Maréchal Piłsudski, qui lui, donc, a libéré la Pologne, l'a rendue indépendante après qu'elle ait été écrasée pendant des années. Alors quand on entre ce 3 mai dans la cathédrale du Wawel, il faut bien reconnaître, Agnès, qu'on a du mal à entrer. On a eu du mal tout à l'heure. Bon, on ne pouvait pas enregistrer dans la cathédrale pendant la messe, mais il y avait beaucoup de monde, certains qui attendaient pour aller se recueillir devant le tombeau de Lech Kaczyński et Piłsudski, puisque maintenant, on ne peut pas se recueillir sur le tombeau du maréchal Piłsudski sans passer devant le caveau du couple présidentiel, Maria et Lech Kaczyński. Ouais. Mais il y avait beaucoup de monde dans la cathédrale aussi. La cathédrale était pleine, comme beaucoup d'églises, comme j'allais dire presque toutes les églises en Pologne, notamment le 3 mai, c'est la fête nationale, mais c'est aussi en Pologne, j'allais dire d'une manière un peu, on va dire presque cynique, c'est récupéré par l'église. Je suis désolée parce que je suis sur une radio chrétienne, mais c'est devenu aussi, la fête nationale bien sûr, mais c'est aussi fête de la Marie. Qui n'est pas Marie, une fête religieuse au départ. Non, qui est devenue fête de Marie, reine de la Pologne. Mais on est dans la ville royale, donc ça se comprend aussi un peu parce qu'il reste cet accent qui n'est pas aussi prononcé dans d'autres villes de Pologne. Alors en tout cas, il y avait beaucoup de monde dans cette cathédrale. Ça ferait rêver des prêtres en France. C'était vraiment au coude à coude et c'est difficile de circuler dans la cathédrale. Oui, j'ai expliqué à Roman et Thierry qu'il fallait laisser une bande d'arrêt d'urgence, un peu comme sur les autoroutes en Allemagne, où il y a toujours un petit passage pour éventuellement, si les gens veulent rentrer et sortir, de manière à ce que, on puisse, s'il fait trop chaud, parce que justement il y a tellement de monde côte à côte, qu'il faut qu'on puisse aller prendre l'air un petit peu dehors. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que le sud-est de la Pologne, qu'on aille de Cracovie jusqu'à la frontière est qui est Przemyśl, fournit entre guillemets un tiers des prêtres dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Sans oublier une partie des missions en Afrique. Et un pape aussi. Le pape, maintenant de sainte mémoire, Jean-Paul II. Qui s'appelait donc cardinal Karol Wojtyła avant d'être Jean-Paul II. Et qui... Wojtyła, c'est la prononciation juste. Nous, on disait plutôt Wojtyła. Mais la vraie prononciation, c'est Karol Wojtyła. Wojtyła. Et donc, il était archevêque à Cracovie. Extrait du journal télévisé d'Antenne 2, 16 octobre 1978, Gérard Rolls. Bonsoir. La divine surprise au Vatican ce soir avec l'annonce de l'élection du nouveau pape, le cardinal polonais Karol Wojtyła, qui devient Jean-Paul II. Pour la première fois depuis 450 ans, le conclave vient de désigner en effet un étranger, un non-italien, comme successeur au trône de Saint-Pierre. Un événement extraordinaire dans l'histoire de l'Église avec la nomination de ce pape polonais, un nouveau choc pour la communauté des catholiques. Voici d'ailleurs la première bénédiction urbi et orbi de Jean-Paul II ce soir au balcon de la basilique Saint-Pierre. Dimanche 1er mai 2011, cette fois, sera la cérémonie officielle de béatification de Jean-Paul II à Rome, assortie de grandes festivités à Cracovie. Alors, j'ai parlé de tout ce monde dans la cathédrale, et effectivement, beaucoup de prêtres en France rêveraient d'avoir autant de monde lors des messes. Mais Agnès, il faut reconnaître aussi que c'est une petite cathédrale au niveau de sa taille. Effectivement, c'est une petite cathédrale, puisque elle était contrainte de s'adapter aux dimensions de la butte du Wawel, donc limitée. Mais si on va dans d'autres cathédrales ou dans d'autres grandes églises, parfois des églises paroissiales qui sont plus grandes que cette cathédrale, je pense que vous remarquerez à peu près la même chose. Ah, mais il y a toujours autant de monde. Je vous y emmènerai. Aussi difficile de circuler. Précisons aussi que ce n'est pas un défilé comme celui du 14 juillet, puisqu'on peut faire le parallèle entre ce 3 mai en Pologne, fête nationale, et le 14 juillet en France. Ce n'est pas un défilé avec du matériel militaire. Il n'y a pas des chasseurs qui survolent Cracovie. Non, alors je pense que c'est réservé vraiment dans une moindre mesure à la capitale, à Varsovie. Et c'est absolument pas aussi démonstratif qu'en France, beaucoup moins militaire, beaucoup moins, vous l'avez remarqué. Je pense que un pays qui a connu et qui a souffert de la guerre et qui a souffert d'une certaine oppression et d'un manque de liberté dans un temps beaucoup plus long que ce que nous avons eu la chance en France, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici il y a eu toute la période communiste et ce qui était derrière le rideau de fer. On dit qu'on ne met pas une corde dans une maison d'un pendu, c'est la traduction d'un des proverbes. J'ai envie de dire qu'on essaye de parler le moins possible de la guerre. Ce n'est pas un objet de fierté, on est fier parce qu'on a un corps militaire, mais il faut savoir que dans la constitution polonaise, qui a été votée en 1791, un des articles de la constitution, c'est de limiter l'armée à un certain nombre, justement pour pouvoir défendre le pays, mais pour aussi garder un statut de paix. Mais le service militaire, la conscription existe encore aujourd'hui existe en Pologne. Encore. On peut être surpris de découvrir dans ce défilé de la fête nationale, il y a la musique, il y a les militaires qui défilent, et puis là on se télescope un peu avec le défilé du 1er mai en France, on a vu des personnes avec des banderoles revendicatives. Alors donc on est à Cracovie, et on a vu les premiers à défiler, ce qu'on appelle Szczesny Polstralańczyk, parce qu'on est dans le sud-est de la Pologne, et donc l'armée, c'est l'armée qui est dans les montagnes. C'est un petit peu l'équivalent de nos chasseurs alpins, que vous avez vu habillés en grand uniforme avec leur cape et leur plume d'aigle. C'est eux qui sont représentatifs du sud-est de la Pologne. Ensuite était la police de Cracovie, et ensuite les gardes municipaux de Cracovie, ce qui peut sembler totalement abstrait pour un Français, que ça soit ça, le défilé du 3 mai, de la fête nationale. Mais c'est pour dire que c'est symboliquement représentant de l'ordre qui est gardé. Ensuite, on a eu effectivement une fanfare. Alors, une fanfare qui a un côté plus Broadway que militaire. Hein. Voilà, et puis qui, on est à la radio, mais cette fanfare aussi qui a un costume qui rappelle le costume de l'armée napoléonienne. Puis les personnes qui alors, défilent. Alors, la deuxième partie du défilé, donc ce sont les banderoles, revendicatrices avec les partis politiques. Mais vous avez remarqué aussi certaines banderoles de vieilles personnes qui portaient des banderoles faites un petit peu artisanalement, où c'était des revendications de type ne nous expulsez pas ou ne rachetez pas nos logements pour trois fois rien pour rénover le centre de Cracovie. Il y a une politique de réaménagement et c'est vrai que certaines personnes ne pouvant pas faire face aux défenses de, par exemple, de ravalement de façade, etc., il y a des propositions de relogement. Ce n'est pas des expulsions, bien sûr. C'est un un des types de revendications. Des relogements plus excentrés. Voilà, plus excentrés. Mmh. C'est un des types de manifestations qui peut avoir lieu et se coller au défilé, en fait. Mmh. C'est le lieu où ils pourront être vus et entendus, et peut-être le seul lieu où ils seront vus par... D'ailleurs, c'est les seuls applaudissements qui ont eu lieu, c'est pour ces personnes-là, en fait. Le guide à Cracovie et dans le sud de la Pologne avec Agnès Gelazny, une Mosellane installée en Pologne. Premières impressions de Cracovie, le 3 mai, jour de la fête nationale. Nous nous arrêtons à présent devant un monument rappelant un massacre perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste au pied, Agnès, de ce château du Wawel, une place qui s'appelle... Imienia Ojca Adama Studzińskiego. Je ne le répéterai pas. C'est le nom d'un prêtre. Et sur cette place, donc juste au pied de ce château du Wawel, une croix, plusieurs mètres, peut-être 4 mètres, peut-être 5 mètres. On peut lire deux dates, 1940-1990, et au milieu, c'est une croix noire d'ailleurs, et au milieu en lettres dorées, Katyń. C'est ça, Katyń. Katyń, c'est un nom qui parle à tous les Polonais. C'est un nom qui parle à tous les Polonais et qui depuis peu est connu dans le monde entier. Puisqu'en 1940, l'élite du pays, que ce soit surtout des officiers militaires, que ce soit des médecins, des professeurs universitaires, quelques journalistes, ont été arrêtés successivement et ont tous été exécutés systématiquement aussi par une balle dans la tête dans une forêt, la forêt maudite, on appelle la forêt maudite de Katyń, qui se trouve non loin de Smolensk, donc dans l'actuelle Russie qui était donc à l'époque l'Union soviétique. Mmh. Par qui ont-ils sur été... ordre de Staline, bien entendu, pour couper la tête à la Pologne et mieux maîtriser le peuple, enfin c'est ce qu'ils pensaient. Donc c'était tuer les cerveaux. Tuer les cerveaux. Donc Katyń, en fait... Les cerveaux militaires, hein, avant tout. Avant tout. Hein, avant tout, c'est tous les officiers. Alors parmi tous ces morts, qui sont au nombre de 4000... Sur Katyń, plus de 4000 officiers. Mais il faut savoir qu'en tout, il y avait environ entre 12 et 15 000 officiers et l'élite du pays, comme j'ai dit. Donc Katyń, Miednoye, Harków, Kyiv... Et Bykovnia. 15 000 personnes assassinées. Entre 12 et 15 000, puisque donc les archives ne sont toujours pas ressorties. Et parmi eux, une femme. Parmi eux, il n'y a qu'une seule femme donc, qui a été retrouvée à Katyń, qui s'appelle Janina Lewandowska, qui est morte à 32 ans, qui était pilote d'avion, pilote de chasse, et la première femme en Europe, tout sûr, au monde peut-être, à avoir effectué un saut en parachute de 5000 mètres d'altitude, qui se destinait à être chanteuse d'opéra, et puis son père était général, et elle s'est passionnée pour l'aviation, elle est devenue pilote de chasse, et elle s'est engagée dans l'armée, elle s'est mariée trois ou quatre mois après, donc elle est partie avec le corps d'armée, a été arrêtée, a menti sur son identité pour ne pas compromettre son entourage, et a été assassinée comme tous les officiers. C'est au moment où les Allemands ont fait la première exhumation, où on a trouvé le corps de Janina Lewandowska. Première exhumation effectuée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Par les nazis qui s'en sont servis comme propagande ensuite. Dans quel sens ? Tout simplement parce que en fait, on les accusait, enfin les Russes à l'époque les accusaient que c'était eux les meurtriers. Tout simplement parce que les officiers ont été abattus d'une balle dans la tête. Et ces balles étaient de fabrication allemande. Donc pour les Russes, c'était très facile d'accuser. De faire porter le chapeau. Voilà. Mmh. Voilà. Donc à ce moment-là, les nazis en ont profité pour retourner ça contre les Russes. Les soviétiques ont très longtemps nié cet assassinat. Je pense qu'ils l'ont nié, j'allais pas dire jusqu'avant-hier, mais ils l'ont nié très très longtemps. Katyn était un sujet tabou en Pologne, parce que personne n'osait croire en dehors de la Pologne, etc. Évidemment pour ne pas compromettre les relations internationales avec l'Allemagne, avec la Russie. Mais il faut savoir surtout que derrière le rideau de fer et jusqu'à la chute du communisme ensuite, donc en 1990, on n'en a absolument pas parlé. C'était un sujet qui ne sortait pas de là. Cette croix porte la date de 1940-1990, tout simplement parce qu'on a commencé officiellement à en parler. Mais sinon, on en parlait sous le coup, enfin, entre Polonais, en faisant attention, c'est un sujet qui était évoqué ou vraiment on évitait même d'en parler? Je pense que dans certains endroits, on évitait même d'en parler, oui. Parce qu'il y a, encore des gens dont on n'a pas retrouvé le corps. Les exhumations ont continué après. C'est ici, près de Smolensk, dans cette clairière de la forêt de Katyn, que l'on a découvert les corps de 10 000 officiers prisonniers de l'armée polonaise assassinés par les soviets. Près d'un millier de corps ont déjà été exhumés. Une commission composée d'éminents médecins légistes et experts criminologistes européens, grâce aux lettres et journaux découverts sur les cadavres et d'après l'étude des décompositions des corps, a pu établir que les exécutions remontaient au mois de mars-avril 1940, c'est-à-dire plus d'un an avant le conflit germano-soviétique. Tous ont été exécutés de la même façon, un coup de revolver dans la nuque. On remarque les mains liées. Un prêtre polonais célèbre un requiem. 70% des corps, parmi lesquels se trouvent plusieurs généraux, ont déjà pu être identifiés. Il pleut pas tout le temps, mais on va quand même se mettre à l'abri. Alors, terrible ironie du sort, Katyn a fait encore, en 2010, 96 morts. Oui, c'est pas Katyn. C'est associé au nom de Katyn pour la simple raison que les personnes qui étaient dans l'avion qui s'est écrasé à Smolensk, près de la forêt de Katyn, étaient l'avion présidentiel avec des membres de la délégation présidentielle, de différents partis politiques, de familles, de descendants de ceux qui ont été assassinés à Katyn. Et donc cet avion-là qui s'est écrasé le 10 avril, s'est écrasé non loin de Katyn. Mais évidemment, dans la conscience polonaise, ça a tout de suite été associé à Katyn, puisqu'il se rendait au 70e anniversaire de ce terrible événement. En sachant que trois jours plus tôt, le Premier ministre Donald Tusk s'était déjà rendu à Katyn officiellement pour rencontrer Vladimir Poutine et poser un geste qui était vraiment un geste de réconciliation, qu'on n'a pas su assez lire, je pense, en Occident, qui était vraiment un geste très important. Mais je peux me permettre de dire que pour des dissensions politiques, le président Lech Kaczynski, qui repose en paix, a... Tout près de cette croix, ceci dit. Tout près de cette croix, oui. Puisque sa tombe est à 100 mètres d'ici. Voilà, hein. Le caveau est juste pas loin de chez nous, pas loin de là où nous sommes, a souhaité avoir une présence beaucoup plus importante pendant les cérémonies familiales des descendants. En fait, Lech Kaczynski, en allant au bout de son projet de se rendre à Katyn, en fait, creusait sa tombe. On fait de l'humour noir, je ne sais pas si c'est tellement le moment, mais je pense que la décision d'aller à Katyn n'était pas forcément la bienvenue. Il aurait peut-être fallu, bon, on fait toujours le passé, laisser ce premier pas avec Donald Tusk et Vladimir Poutine. De toute façon, le président Kaczynski devait se rendre le 9 mai à Moscou. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que la tragédie qu'on appelle de Katyn, en fait, est celle de Smolensk. Ça, c'est une première chose. Mais que l'ironie du sort veut et permet que grâce à cette tragédie, le nom de Catigne, je vois que Héroman et Thierry ont découvert quelque chose, un pan de l'histoire qui leur était totalement inconnu, est maintenant connu dans le monde entier. Et donc je pense que c'est aussi très bien parce que ça permet, bon, sur nous occidentaux, ça n'a peut-être pas le même impact. Mais il faut savoir qu'en Russie et en Biélorussie, quelques jours avant, bien sûr, il y avait la cérémonie entre le Premier ministre polonais et Vladimir Poutine, que les gens auront ou n'auront pas regardé. Mais quelques jours après cette tragédie de Smolensk avec l'avion qui s'est écrasé, a été retransmis sur toutes les télévisions russes. Or, la télévision est la première source d'information dans les foyers les plus reculés. Il faut quand même savoir que la Russie a une étendue tellement lointaine que certaines informations n'arrivent pas. Mais la télévision... Deuxième chose, il s'est écrasé dans des conditions tout à fait particulières en allant au 70e anniversaire de l'assassinat des officiers et de l'élite polonaise à Katynie. Donc ça veut dire aussi, parce que la Pologne réclame depuis des années et des années l'ouverture des archives. Et le gouvernement russe, depuis des années, répond « il n'en est pas question, niet ». Ça a obligé les gens à prendre conscience que ça fait partie de leur histoire, que cette tuerie de Katynie a été décidée uniquement sur ordre de Staline. Et si on remonte un petit peu en voyant quelles conséquences ça va avoir, c'est toute l'histoire du stalinisme qui va avoir, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois, dans les années qui viennent, obligatoirement, ça va modifier tout doucement la pensée de ce qu'on appelle Rosseïski Chouoviek, l'homme russe, c'est-à-dire celui qui a été pétri par la mentalité stalinienne, qui a été privé de liberté et qui a été l'homme des kolkhozes. Vaïda, celui qui a réalisé L'homme de fer, L'homme de marbre, c'est quelqu'un un cinéaste très respecté ici en Pologne ? Oui, totalement. Spécialement pour Katynie. Parce que c'est lui qui a osé, je ne vais pas dire briser le tabou, mais c'est lui qui a osé en parler vraiment d'une manière qui puisse être présentée sur les cinémas du monde. Et Waleza, qui était le héros d'un des films de Vaïda. Wałęsa. Comment ? Wałęsa. Lech Wałęsa, c'est ? Lech Wałęsa. Voilà, qui lui donc a permis vraiment la chute du communisme en Pologne. Et quelqu'un qui est jusqu'aujourd'hui très respecté, bien sûr. Qui a son point de vue sur l'accident de Smolensk, qui dit que ça fait partie aussi, non pas d'une erreur, mais peut-être d'une mauvaise gestion des choses, et que c'est toujours très très délicat de remettre sur le tapis ce qui s'est passé. Mais lui, en tant que président, qui a été président, sait que certaines décisions sont toujours très difficiles à prendre. Conclusion officielle du crash de l'avion présidentiel de Lech Kaczynski, remise aux autorités de Varsovie. De hauts responsables polonais ont fait pression sur l'équipage de l'avion de Kaczynski afin qu'il atterrisse près de Smolensk malgré un épais brouillard et les mises en garde des contrôleurs aériens russes. L'appareil s'est écrasé en avril 2010, provoquant la mort du chef d'État, de son épouse et de 94 autres personnes. Le rapport d'enquête russe indique aussi que le chef de l'armée de l'air avait de l'alcool dans le sang. On apprend également que la préparation de l'équipage de l'avion du président polonais était insuffisante. premier Suivez le Guide d'une nouvelle série à Cracouf, Cracovie, deuxième ville de Pologne, avec une Mosellane. Étonnant quand on se balade, et même un jour férié à Cracovie, certains magasins sont ouverts et le sont, paraît-il, tous les dimanches. Encore plus étonnant dans un pays aussi catholique. Pause déjeuner à présent. Mange ta soupe. En Pologne, Agnès, la soupe, c'est un élément important de l'alimentation. D'abord, en décomposant les repas, je pense qu'on en reparlera plus tard. Il y a le petit déjeuner, śniadanie, qui est très tôt le matin, puisqu'en Pologne, on commence à travailler très tôt. Il y a le deuxième petit déjeuner, qui est en fait une toute petite collation vers 11h, midi. En général, la journée de travail s'arrête vers 3h. Et là est le repas principal, qui s'appelle obiad. Et puis le soir, il y a une kolacja, une petite collation qui est souvent assez légère. Vers quelle heure? Ça peut être 19, 20, à peu près 20h, 21h. Ça dépend, sauf si c'est vraiment un repas de fête. Le repas de, ce qu'on pourrait dire, le repas de midi, le déjeuner qui est jamais avant 14h, 15h, 15h30, s'appelle obiad. Il est composé de trois éléments en général. Pierśniadanie, druga dania et trzeciadania, c'est-à-dire la première partie, on va pas dire l'entrée, mais qui est très souvent une soupe. Très souvent, donc il y a des soupes un petit peu à tout. Et on est en train de déguster une des spécialités polonaises qui s'appelle le jurek. Jurek qui est à la base de lait aigre, avec des œufs durs, du saucisson, un tout petit peu d'oseille. Ça c'est la base. Ouais. Qui se déguste toujours avec du pain. Ensuite, c'est pas bourratif, hein, somme toute. Non. Normalement c'est la première partie du repas. Bon, mais là, comme avec Thierry et Roman, on travaille 2 heures, on mange 1 heure. Bon, c'est notre second déjeuner, le même jour. Mais donc là, on se régale avec cette soupe, qui est une vraie spécialité. Ça, tu l'as déjà dit. Suivez le guide, Thierry Georges. Au lendemain de la fête nationale, nous retrouvons celle qui va nous faire découvrir le cœur historique de Cracovie. Magdalena Żur, dzień dobry. Je m'appelle Madeleine Żur, je suis polonaise, cracovienne. Vous êtes bienvenue à Cracovie. On se trouve sur la grande place, la place principale de marché qui garde sa fonction depuis le Moyen-Âge. La grande place a 4 hectares de surface. Donc c'est une vraie grande place. Il y a beaucoup de jardins-cafés qui sortent des cafés qui sont très nombreux sur la grande place. Elle a des terrasses, hein, tout autour de nous. On regarde maintenant le bâtiment le plus important pour la ville au Moyen-Âge, ça veut dire la halle aux draps. C'est un bâtiment assez long, de presque 200 mètres de la longueur, où aujourd'hui on peut acheter des bijoux, des souvenirs de Cracovie. On va entrer tout à l'heure. Mais le rôle de ce bâtiment n'a pas changé depuis des siècles. Il faut dire encore que Cracovie a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial dans les années 70 à cause pas seulement de ses monuments, mais aussi du fait que Cracovie n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Ça veut dire des rues, des ruelles, le réseau des ruelles qui ont été organisé au Moyen-Âge, et voilà la fonction de la grande place, ça veut dire la fonction de commerce. Ce qu'il faut dire, Magda, c'est que contrairement à Varsovie, Cracovie n'a pas été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Varsovie a été à peu près totalement détruite. Totalement, à presque 90% a été détruit de la substance de la ville. Je vous ai déjà parlé de la halle aux draps. C'est un bâtiment qui a été bâti, premiers éléments, au XIIIe siècle, mais aujourd'hui ils sont cachés sous le sol. Dans les sous-sols. Oui, c'est ça. Et ce que nous pouvons regarder, c'est la partie du XIVe siècle, c'est la partie de briques rouges. Et Au rez-de-chaussée, il y a des arcades. C'est déjà le 19e siècle, la réalisation d'un architecte cracovien qui a fait que la Halle Odra est devenue très très belle parce que pendant des siècles, tout le bâtiment a été entouré des stands, des petites boutiques. C'était assez moche et assez dangereux pour le bâtiment. Alors c'est vraiment le centre de la place, cette Halle Odra, et tout autour, on le disait, des cafés, des terrasses, et puis quelques bâtiments vraiment qui se détachent, en particulier, je ne sais pas par lequel on commence, Magda ? Basilique Notre-Dame. La Basilique Notre-Dame. Mais ce qu'il faut encore dire, ce qui est un élément, une information primordiale, c'est que nous parlons de Cracovie du Moyen-Âge, mais il faut dire que Cracovie a reçu, comment dire, ses gestions séparées, en 1257. Il y a des siècles avant, il y avait déjà des bourgades, des localités concentrées autour des églises qui se trouvent ici. Voilà, mentionné déjà la basilique Notre-Dame et cette petite église qui est derrière ah oui, moi, juste à côté. L'église de Saint-Adalbert, construite au Xe siècle, au lieu où Saint-Adalbert prêchait. Si on vient à Cracovie, Magda, pour prier, on a le choix, les églises ne manquent pas. On peut les trouver partout, et pas seulement des églises historiques, mais aussi presque chaque localité qui s'organise ça ou là, très souvent et très vite, on essaye de construire une nouvelle église. Donc il y en a beaucoup à Cracovie aussi, tout à fait moderne, et il arrive aussi belle. Au XVIe siècle, voilà, à cause du nombre d'églises, Cracovie a été nommée par des gens qui arrivaient à Cracovie, l'autre Rome. La basilique Notre-Dame a deux tours, elle est construite de briques. C'est briques rouges. Briques rouges, oui. C'est un matériel populaire pour le gothique cracovien. À deux tours de la hauteur différente, la tour plus haute, c'est une tour d'alerte. Ça veut dire que c'est de là où on peut écouter chaque jour, à chaque heure, le Einal. Ça veut dire une sorte d'alerte qui a été jouée depuis le Moyen-Âge, depuis le XIVe siècle. On peut raconter alors l'histoire Voilà, ça c'est seulement une légende, parce que historiquement ce n'est pas vrai, mais voilà, la légende dit que au XIIIe siècle, il y avait une grande attaque de Tartares à Cracovie. Le gardien a alerté les habitants de Cracovie des Tartares qui s'approchaient, et pendant qu'il jouait, un Tartare a lancé sa flèche qui a tué le trompettiste. Pourquoi c'est une légende? Parce qu'au XIIIe siècle, cette tour plus grande n'existait pas encore. Ah, donc c'était pas possible. C'était pas possible, mais il y a encore une autre légende qui décrit cette différence de la hauteur de ces deux tours, qu'il y avait deux frères qui ont construit les tours de l'église. Un des frères a fini plus vite sa tour, et l'autre était jaloux parce que quand il regardait la construction de son frère qui n'était pas encore finie, mais il pensait que la tour de son frère était plus solide, donc il l'a tué par la jalousie, mais il ne pouvait pas vivre avec des remords, donc il s'est jeté par terre. Donc ils sont morts tous les deux. Alors il faut dire que ce qui est au sommet de la tour la plus haute, enfin c'est une construction assez surprenante. Hein. C'est l'un des plus jolies flèches gothiques, avec une boule là où il y a des informations sur l'histoire. Celui qui sonnait, donc la trompette, n'était peut-être pas là au XIIIe siècle, mais par contre il est bel et bien là au XXIe siècle. On peut l'entendre, cette mélodie, et ce qui est encore intéressant, c'est que cette mélodie s'arrête brusquement. Net, elle ne se continue pas parce que c'est lié avec cette légende. Oui. Voilà. Mais ce ne sont pas des touristes qui lancent des flèches sur le trompette. Non, ça n'arrive pas, heureusement. Mais ils s'arrêtent net comme s'ils venaient de recevoir une flèche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et chaque heure, on l'entend. Oui, c'est ça. Et dans la nuit aussi. Thank you. de l'autre côté de, la tour, de l'église Saint-Adalbert, il y a ce qui a resté de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, c'est seulement un beffroi avec un horloge, plusieurs fois, peut-être pas reconstruite, mais renouvelée. Au 19e siècle, on a démoli des restes de l'ancien hôtel de ville qui entourait ce beffroi parce que leur état était tout à fait déplorable. Il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas une situation économique et sociale favorable. Il arrive qu'on a démoli beaucoup, beaucoup de monuments du Moyen-Âge à Cracovie, mm-hmm. mais heureusement, la tour pour des raisons de sécurité. Oui, c'est ça. Peut-être, oui, pour rendre la ville plus belle, c'était une tendance. Pour aérer la ville, peut-être. Moi, je dirais pas aérer, mais voilà, se priver de ce qui rend la ville moche. Puisque c'était des presque ruines, voilà, on a décidé de ne pas les reconstruire, mais de les éliminer. Enfin, cette place qui est immense, on l'a dit, vous l'avez dit, combien d'hectares ? 4 hectares, c'est la plus grande des places de marché des villes du Moyen-Âge qui se sont conservées en Europe. C'est vraiment le cœur enfin, de cette ville de Cracovie. Voilà, hein. Parce que comme il y a des siècles, aujourd'hui c'est aussi un centre, le centre de la ville, là où les gens se rencontrent, où il y a le commerce, ben voilà, on peut se promener. Quand on vit à Cracovie, forcément, on se retrouve très très souvent ici pour boire un verre, pour manger une soupe. Voilà. Enfin, pour, oui, c'est ça. C'est... Et heureusement. Vous le faites aussi, Magda ? Ah, de temps en temps. Pas souvent. Mais voilà, depuis quelques années, Cracovie reste vivant pendant toute la journée et une partie de la nuit à cause des petits restaurants, des cafés qui entourent la grande place. C'est la possibilité de même se promener dans la nuit en ville. Donc traditionnellement, on s'assoit à une terrasse. Si on veut manger quelque chose, traditionnellement, on mange quoi ? Aujourd'hui, c'est difficile, c'est très difficile à dire parce que depuis quelques temps, on ne peut pas parler d'une cuisine polonaise, une particulière. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est, moi je dirais, c'est une cuisine de fusion, n'est-ce pas ? Donc, il y a des éléments des cuisines du monde entier, notamment nous, les Polonais, on aime assez bien la cuisine italienne et française aussi, mais aussi espagnole ou mexicaine, voilà. Donc, si on veut manger, il y a quand même la soupe traditionnelle. D'accord. Alors, c'est une soupe à base de la choucroute. Ah bon ? Oui. De la choucroute. On va pas goûter celle-là. Aussi, un plat principal chez nous, c'est pierogi. Alors, c'est de la pâte. C'est un peu les raviolis. Oui, mais la forme est... Les raviolis polonais. Les raviolis polonais qui sont beaucoup plus grandes et farcies de tout ce que vous voulez. Et si on boit quelque chose, on boit quoi ? Une bière ? Une bière, oui, ou du thé. Parce que nous, en Pologne, on boit beaucoup de thé. Pivot, la bière. Oui, c'est ça. Comme oui. Bernard. Donc, pivot, oui. La bière. Et le thé, on... Oui, en c'est... polonais, on dit thé. Thé. Oui, thé. Herbata. Herbata. Herbata, oui. Suivez le guide, part à la découverte de Cracovie et du sud-est de la Pologne. Nous avons abandonné un moment Agnès, notre Mosellane installée en Pologne, et avec Roman, réalisateur de l'émission, nous la suivons, notre guide Magda Madeleine. Nous entrons, Magda, dans cette... La halle aux draps. Aujourd'hui, bon, on peut acheter des draps, je ne sais pas, mais on peut acheter des serviettes, en tout cas des nappes, oui. Des napperons. Oui, mais de l'artisanat aussi. Voilà, il y a des stands l'un à côté de l'autre. Donc il y a du bugeaud avec de l'ambre, ce qui est la spécialité. La spécialité polonaise, on peut dire, oui. Et il y a. C'est quoi l'ambre ? Enfin, on a dit que c'était une résine. Oui, oui, une résine des anciens sapins, des anciens arbres qui ont été couverts de l'eau, n'est-ce pas ? Et pendant des millions d'années, ils sont devenus ce raisin. Cette résine. Cette résine, voilà. Oui. Cet ambre vient d'où ? De la mer Baltique. Alors pendant des siècles, on pouvait les trouver. Il y avait presque des endroits où il y en avait beaucoup de résine, voilà. Le long, le côté polonais. Mmh. Aussi, aujourd'hui, c'est le terrain de la Lituanie, c'est-à-dire le côté de la Lituanie, là aussi on peut acheter et trouver beaucoup d'ambre. toutes les Polonaises portent des bijoux avec de l'ambre. Vous en portez vous-même ? C'est-à-dire, aujourd'hui non, mais j'en ai, j'en ai aussi. Oui, c'est, depuis des siècles, c'est un bijou très très à la mode. Si on décrit un petit peu ce qu'on trouve dans cette alodra. On peut acheter aussi du cristal, ça veut dire des verres, des vases, ce qui est encore un souvenir qu'on peut appeler une spécialité, n'est-ce pas, polonaise. Des colliers de corail, parce que chez nous il n'y a pas de corail, mais pendant des siècles, si une cracovienne voulait être mode, elle portait des colliers de corail. Ce qui veut dire qu'il y a des commerces ici depuis combien de siècles maintenant ? Depuis... 13e, on est 21e, donc ça fait... Quelques siècles. Oui. Oui. On marchande ici ou pas, quand on achète, est-ce qu'on peut discuter les prix ou pas? Un tout petit peu. Un petit peu. Un petit peu, mais ce n'est pas un élément primordial de ce commerce ici. Ce sont avant tout les touristes qui achètent ici, ou bien les Cracoviens achètent aussi ici? Mais ce sont les touristes qui dominent, oui. Quand on peut faire des souvenirs ou offrir un cadeau à quelqu'un, ça arrive qu'on achète au Sukiennice, donc à la Alodra, quelques petits objets. Voilà, mais en tout cas, c'est impensable de visiter Cracovie et de ne pas entrer dans la Alodra. Hein. C'est obligé d'entrer dans la Alodra. Hein. Oui, mais c'est un bâtiment qui attire le plus quand on se trouve sur la grande place, donc c'est indispensable. Cracovie, Magda, alors nous continuons à découvrir ce centre, ce cœur historique de Cracovie. Cracovie, c'est toujours une ville universitaire importante. Oui, c'est ça. Maintenant, on est arrivé au quartier universitaire, on est dans la cour universitaire. C'est le siège historique de l'université Jagellonne qui nous entoure. Et ce siège est construit de briques rouges. On a commencé sa construction à partir de l'année 1400. Et on a continué pendant presque un siècle, parce que il y avait un roi Casimir le Grand, un dernier représentant de la dynastie des Piastes, la première et la plus grande dynastie qui a régné en Pologne, et c'est celui qui a créé la première école supérieure en Pologne. C'était la deuxième université en Europe centrale, la première université on a créée à Prague. Donc les premières années de l'académie, parce que à l'époque l'université s'appelait Académie de Cracovie, aujourd'hui on ne sait pas où cette école a existé. Peut-être il y avait des cours même au château de Wawel. Après la mort du roi, le rôle de l'académie a commencé à devenir de plus en plus moins important. Et la reine, aujourd'hui sainte reine Edwige, a continué l'idée de son prédécesseur et il a consacré dans son testament ses bijoux, ses robes, ses insignes de couronnement aux besoins financiers de l'école. Donc c'est grâce à elle qu'on a pu créer ce siège historique que nous pouvons visiter aujourd'hui. Alors ce siège historique, c'était quoi? Plutôt des salles de cours, des logements donc, pour les étudiants? Nous regardons deux étages. Au rez-de-chaussée, il y avait des salles de cours, tandis qu'au premier étage, il y avait des appartements des profs. Il faut dire encore qu'au 15e et au 16e siècle, on peut dire que c'est deux siècles les plus importants dans l'histoire de Cracovie et de l'université aussi, parce qu'il y avait des profs qui venaient de l'Europe pour enseigner ici, et il y avait des milliers d'étudiants étrangers qui venaient de l'Europe aussi pour pouvoir étudier ici, parce que le niveau de l'éducation était pendant ces deux siècles était le plus grand en Pologne. Notamment par exemple Nicolas Copernic, qui a étudié quelques années ici à Cracovie, il a commencé son œuvre à écrire voilà ici. Et il a choisi l'Académie de Cracovie parce que le niveau de l'astronomie était le plus haut pendant cette époque en Europe. Ce qu'on entend, ce ne sont pas des étudiants, hein, ce sont des touristes aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire encore qu'il n'y a pas de cours dans le bâtiment du siège de l'université qui s'appelle, parce que je n'ai pas encore dit, Collegium Maius. Mais aujourd'hui, il y a dans les salles anciennes, il y a le musée avec, par exemple, la collection d'instruments d'astronomie du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Aujourd'hui, Cracovie est toujours une ville étudiante importante. Oui, on dit que Cracovie est une ville d'étudiants et de retraités. Vous le disiez, Magda, à l'époque, des étudiants venaient d'autres pays. Est-ce encore le cas aujourd'hui ou ce sont essentiellement des étudiants polonais? C'est la majorité, bien sûr, qu'il y a des étudiants polonais, oui. Mais il arrive, et depuis des années, il arrive de plus en plus qu'il y a d'étudiants d'étrangers. De quel pays? Par exemple, d'Asie. Par exemple, tchèque, de la Lituanie, de la Russie, voilà. Qui parlent le polonais parce que les cours sont en polonais. Ou bien qui veulent étudier soit les sciences naturelles ou soit les mathématiques. Ou voilà, la culture polonaise, ça veut dire la langue polonaise. Ce sont les domaines forts, oui. Mathématiques, oui, sciences. Oui, c'est ça. Aussi les beaux-arts. Et les beaux-arts, d'accord. En tout cas, très beau bâtiment avec ses briques rouges. Des dorures aussi. Ce bâtiment a gardé toute sa splendeur. A été restauré ? Oui, deux fois. Donc, ce que nous regardons aujourd'hui, c'est la dernière réalisation qui a démontré tout ce qui était gothique d'origine. La cathédrale, voilà. Et juste devant nous. C'est la cathédrale gothique. Mais il faut savoir que sur le même emplacement, il y en avait encore deux autres, beaucoup plus anciennes. Et il faut encore dire de la date 966, l'année où nous avons été officiellement baptisés comme les Polonais. Donc le christianisme a commencé chez nous, voilà, dans la deuxième moitié du Xe siècle. Mais c'est notre date officielle et c'était l'ouest de la Pologne, Gniezno, Poznań. Tandis qu'il y a plus ou moins un siècle avant, sur ce territoire où nous sommes, il y avait un grand tribut, Wiślanie. Donc le nom de ce tribut vient du nom de la Vistule, la rivière qui traverse toute la Pologne et elle traverse aussi et Cracovie. Wiślanie, cette tribu a été baptisée beaucoup plus avant que nous avons été baptisés officiellement dans la deuxième moitié du XIIe siècle. À partir des siècles beaucoup plus avant, il y avait un centre culturel, un centre religieux et un centre politique, voilà, ici sur la colline de Wawel. Et en 1039, il y avait une invasion d'un prince tchèque, Bjetisław, qui a ruiné Gniezno, on peut dire notre première capitale, donc notre premier siège principal d'État. Un prince qui voulait restaurer son pays, voilà, s'installer ici sur la colline, parce qu'il y avait déjà ce qui est resté des siècles précédents, un centre politique. Mais après, c'est l'an 1000, il y avait une rencontre entre l'empereur Otton III et notre prince Boleslas. Et après cette rencontre, on dit chez nous souvent un congrès de Gniezno, on a décidé d'instaurer ici un évêché. Donc il fallait avoir une cathédrale. Donc la première cathédrale a été construite dans la première moitié du XIe siècle. On l'appelle la cathédrale de Chrobry, du nom de notre premier roi Boleslas le Vaillant. La deuxième cathédrale a été construite à la charnière des deux siècles, 11e et 12e. Encore dans cette deuxième cathédrale romane, a été couronné pour la première fois un roi ici sur la colline de Wawel. Ce n'était pas notre premier roi, mais c'était le premier couronnement dans la cathédrale romane. Le roi a commencé la tradition de tous les couronnements des rois polonais, sauf deux derniers rois qui n'étaient pas couronnés à Cracovie. Aujourd'hui, la cathédrale gothique, c'est la troisième. On peut l'appeler la cathédrale royale à cause de son rôle d'une église de couronnement des rois polonais. Aussi, c'est une nécropole des rois polonais. Nous n'avons pas encore terminé la visite du cœur historique de Cracovie. Par conséquent, nous reprendrons la conversation et la visite avec Magda. Un grand merci à Agnès Gelazné à l'initiative du projet. Merci à Elzbieta Janik de l'Office national polonais du tourisme à Paris. Monika Kapron de l'Office du tourisme de Cracovie. Jacek Biskupski et Monika Eismond, dont Kazimi, un hébergement chaleureux dans le quartier de Kazimierz. Merci à Wizz Air qui vole en particulier de Francfort-Hahn en Allemagne vers Pejovice, tout près de Cracovie, mais aussi de Paris-Beauvais et Grenoble vers la Pologne. Réalisation Roman Feocchio, les sites kazimi.pl, wizzair.com, pologne.travel/fr.